Chapitre 9e, la géophage. Une revue. Si le chef est vraiment un chef, rien ne lui échappe. Mais Dussonville n'était pas comme ces officiers hableurs qui veulent faire montre de leur coup d'œil et qui, seulement propre, engueulent un soldat, voire même un sous-officier, devant toute la troupe. Dussonville prit des notes et après la revue, il fit doucement, après des compliments mérités, ses observations à Gligli Bena, lui disant « Il ne faut jamais humilier de braves soldats. Fais venir ton sergent et fais-lui part de ce que j'ai remarqué. Ton sergent fera venir un à un ses caporaux et leur parlera, et les caporaux parleront aux soldats un à un. De cette façon, personne ne sera froissé par une juste réprimande. » Gligli Bena regarda Dussonville longuement avec reconnaissance et admiration, puis, en fit de grande race qu'elle était, elle lui prit la main d'une façon gracieuse et noble et lui dit « Toi, tu es un vrai chef. Merci pour mes amazones et pour moi. Je ne sais pas où tu veux nous mener. Où tu iras? Nous irons sans hésiter et nous ne ferons pas moins pour toi que nous n'avons fait pour Béanzin. Plus de 3000 de nous sont mortes pour lui. Et il n'est pas mort, » dit Dussonville en souriant. « Moi, je partagerai tous vos dangers et je marcherai à votre tête. » Puis changeant de ton, « J'ai vu une petite fille, très jolie, mais qui est certainement malade. Qu'a-t-elle ? » Ben affronça les sourcils. « Ma nièce, » fit-elle, « elle est perdue. Qu'a-t-elle ? Elle mange de la terre. » Dussonville savait que Nègre et Négresse sont souvent atteints de cette étrange manie qui fait de des géophages mangeurs de terre, voire Stanley, Livingstone, etc. C'est le résultat d'une singulière perversion du goût. Mais cette maladie, plus morale que physique, ne sévit pas seulement sur les nègres. Beaucoup d'Indiens d'Amérique sont géophages. On voit même chez nous de jeunes filles manger du charbon, de la craie, du papier, du crayon, de la terre. Ben a repris. Elle est amoureuse. Elle veut se marier avec Delio, un jeune chasseur dahoméen. Mais elle est vouée. Ce mariage sera impossible. Pourquoi ? Ne t'ai-je pas dit qu'elle était vouée à rester vierge ? Son père, sa mère, toute sa famille mourraient si elle se mariait. La grande coutume, la loi, la coutume sacrée des Amazones, est qu'elles doivent rester vierges. Si ma nièce Aloïs se mariait, je devrais la livrer au dieu de la mer, sur une barque percée, pieds et poings liés, pour être mangée par les requins, ou tout au moins noyée. Ça rachèterait la famille. Dussonville savait que c'était en effet leur ancien usage. Il était donc en présence d'une croyance très forte. Contre cette foi enracinée, il ne pouvait agir d'autorité. Que l'on imagine un couvent de carmélites ou un monsieur quelconque viendrait dire que le vœu de chasteté est une absurdité. Il est même curieux de constater que ce vœu est le plus terrible qu'une jeune fille puisse prononcer. On y attache une grande importance, et chez les Romains, la transgression en était punie de mort. Les Vestales, en revanche, jouissaient de grands privilèges. Les Amazones de Béanzin, qui violaient leur serment de virginité, étaient aussitôt envoyées à la côte pour être livrées aux dieux de la mer. Dussonville connaissait la force de ce préjugé chez les Amazones. Celles-ci, malgré la chute de Béanzin, étaient restées des croyantes très convaincues, très fanatiques. La religion des fonds dahoméens est certainement une dérivation un peu grossière du brahmanisme. Ils croient en un dieu suprême, infini, d'où tout vient, où tout retourne, sans durée, éternel, immuable, sans commencement ni fin. C'est exactement le parabrahma des hindous. Et il ne peut se manifester à l'homme car il est intangible. Mais il se fait sentir par le bien et le mal. De là, de Dieu supérieur. Le mal, par emblème le tonnerre, c'est-à-dire le feu. C'est le dieu de la mort, de la destruction des Indiens, c'est Siva. Le bien, c'est le Brahma hindou, le verbe, le trésor du passé, la tradition, les coutumes des ancêtres. Mais il y a le dieu des eaux, du commerce, du présent, c'est le Vishnu des Indiens. Certes, chez les Dahoméens, la Trimurti, la trinité hindoue, n'est pas aussi clairement définie que dans le brahmanisme. Cependant, on les retrouve, le grand infini. Puis ces manifestations pour l'homme circonscrit, fini, qui a un passé, un présent, une fin. Brahma, le verbe hindou, le Jésus-Christ chrétien, est le passé. Chez les Dahoméens, c'est le dieu du bien. Le présent chez l'Indien, c'est Vishnu. Chez les Dahoméens, le dieu des eaux. Or, Vishnu est représenté par le fleuve, dont le fleuve représente ce présent qui n'est plus dès qu'il a été, et dont les secondes s'envolent vers l'éternité comme les flots d'un fleuve vers l'océan. L'avenir, l'inévitable mort, la destruction, c'est le feu, destruction la plus rapide, la plus complète. Siva, le feu chez les hindous, la foudre chez les dahoméens. Et aussi, la croyance très nette, très vivace, à la métempsycose. On conçoit que c'est là un ensemble de symboles imposants. Ce n'est plus le grossier fétichisme des sauvages, c'est un culte raisonné d'une nation barbare, il est vrai, mais au-dessus des pratiques des cannibales du Congo. Or, si les Amazones tenaient à leur religion, elles tenaient surtout à leur vœu de chasteté qui mettait à leur front une auréole de sainteté et d'austérité militaire. Les rois dahoméens et les Cambacérès, chefs fesses d'Amazone, tenaient extraordinairement à ce que ce vœu fût respecté. Je ne crois pas qu'une supérieure de l'un de nos couvents de femmes du Moyen-Âge aurait été plus sévère sur le chapitre du respect du vœu de chasteté que Gligli Bénin. Et Dussonville ne doutait pas que les deux Taquis et toutes les Amazones ne se scandalissent s'il intervenait en faveur de la pauvre petite géophage. Et pourtant, quoi de plus triste? Les nègres et négresses géophages se bourrent de terre, maigrissent affreusement. Leur ventre se ballonne, le cerveau s'anémie et la mort survient lentement. Mais Dussonville savait que s'il mariait la petite négresse, il porterait une rude atteinte à ce qui constituait l'esprit de corps des Amazones. Il aurait brisé un lien moral très efficace. Or, le soir à dîner, il en parla devant Mrs. Morton, Mademoiselle de Pellouer et ses hôtes. « Je sais, » dit Tikili, « je la connais. Moi aussi, » dit Mademoiselle de Pellouer. Elle est sympathique et très intéressante, d'une jolie figure, avec un sourire aimable et un doux regard. Que faire pour la sauver ?»« La marier, » dit Dussonville. « Jamais elle n'osera désobéir à Gligli Bénin, » dit Tikili. Celle-ci, du reste, la livrerait sans pitié au dieu des eaux. « Un crime !» s'écria Mrs. Morton. « Pour les Amazones, ce sera un juste châtiment. » Du reste, après l'avoir infligé à la coupable sans hésiter, elle s'enfuirait au fond de la brousse. Et le roi Tofa n'enverrait pas après elle pour beaucoup de raisons. D'abord, elles auraient fait ce que leur religion leur commande, et il faut respecter les religions. Et puis, il hériterait toutes les Amazones, et il y en a beaucoup. Combien environ? Plus de 3 000. Une force perdue. La France devrait les enrôler. Je l'ai dit au gouverneur, mais il s'est mis à rire. Reparlons de la mangeuse de terre. Voulez-vous la sauver? Parbleu, il y a un moyen. Les fonds, et en général tous les nègres, regardent la religion des Blancs comme supérieure à la leur. Ils croient le dieu des Blancs très au-dessus des leurs. Si un noir se fait chrétien comme moi, personne ne le tient plus obligé de pratiquer le culte de sa tribu. Que la mangeuse de terre entre chez les sœurs du couvent en déclarant qu'elle veut être chrétienne. Dès qu'elle sera baptisée, elle sera relevée de son vœu puisqu'elle ne sera plus de la religion dahoméenne. Et personne ne pourra trouver rien à redire car les Amazones elles-mêmes s'inclinent devant le dieu chrétien le plus grand, le plus puissant des dieux. Mais, fit observer Mademoiselle de Pellouer, il est inutile de la mettre au couvent. Je la prendrai comme mon ordonnance, je l'instruirai et je la baptiserai. Et comme Tikili la regardait avec étonnement, elle lui dit « Sachez que toute personne peut valablement baptiser, fût-elle d'une autre religion que la nôtre, pourvu qu'en versant l'eau sur la tête du baptisé, elle dise avec intention réelle de baptiser « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Et il est tellement vrai qu'un prêtre n'est pas nécessaire que les sages-femmes baptisent, on dit « on doit », mais c'est un vrai baptême, l'enfant en danger de mort, et il va droit au ciel s'il meurt. Alors, dit Dussonville, faites venir la petite Aloïs et sa tante Gligli Bénin pour que je leur parle. Peu après, les deux Amazones entraient, Mademoiselle de Pellouer, qui ne connaissait pas Aloïs, se prit aussitôt d'une vive sympathie pour elle. Elle était vraiment jolie, douce et charmante. La souffrance physique et morale qui se peignait sur ses traits la rendait très intéressante. Dussonville dit à la tante, Mademoiselle de Pellouer a besoin d'une ordonnance. Elle prend ta nièce. Mais elle mange de la terre, la malheureuse. Elle n'en mangera plus. La tante secoua la tête d'un air d'incrédulité. Mais Dussonville reprit. Elle n'en mangera plus parce que pour servir ma nièce, il faut que la tienne se fasse chrétienne. Tu ne t'y opposes pas, je suppose. Non. Le Dieu des chrétiens est un très grand Dieu. Le plus grand même. Eh bien, quand ta nièce sera baptisée, elle n'aura plus rien à voir avec son ancienne religion. Plus rien à craindre pour elle ou pour sa famille du dieu cruel des eaux profondes. « C'est vrai, » murmura l'Amazone. « Elle sera protégée par vos 3 dieux qui peuvent tout. » Puis il s'écria, « Mais alors elle pourrait épouser des lieux, certainement. Ah, tant mieux !» Elle embrassa sa nièce en lui disant avec joie, « Tu ne mangeras plus de terre, ma petite Aloïs. »« Oh non » fit-elle, redevenant tout à coup radieuse et gaie. Elle prit les mains de Mademoiselle de Pellouer, il les baisa, pendant que Dussonville demandait « Où est Delio ?»« Il doit rôder dans la ville, fais-le chercher. » qu'on me l'amène, dit qu'il y intervint. Je vais lancer mes hommes à sa recherche. Et il donna ses ordres. Des lieux n'étaient pas loin. Il fit bientôt son entrée. C'était un beau nègre, de franche et belle figure, d'une vingtaine d'années. Lussonville lui dit, « Pour se marier avec toi, Aloïs se fait chrétienne. Elle sera l'ordonnance de ma nièce et toi, tu seras le mien. » Lussonville fixa une bonne solde et fit de si bonnes conditions que Délio resta ébloui. Dans son enthousiasme, il voulait aussi se faire chrétien. « Ce n'est pas nécessaire, » dit Lussonville. « Une chrétienne peut épouser un homme d'une autre religion. Le mariage se fera à la Dahoméenne le plus tôt possible et il n'en sera que plus facile à célébrer. » Tout le monde applaudit, excepté Tikili qui dit « Il fera mieux de se convertir comme moi. »« Non, » dit Délio, « moi je m'adresserai à mes dieux. » Quand j'aurai besoin d'eux, et en leur offrant un sacrifice, je me les rendrai favorables. » Aloïs priera ses dieux, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils l'écouteront, et tout ira bien. Ce fin raisonnement mit Lussonville en grande joie. Je crois que ce Délio sera intelligent et débrouillard. Ce en quoi lui prouva qu'il ne se trompait pas. Le jour même, Délio et Aloïs prirent leur service. Toutefois, un médecin de l'infanterie de marine, consulté, prescrivit le traitement à suivre pour débarrasser la jeune fille de la terre qu'elle avait avalée et des conséquences qui en résulteraient. Ce médecin expliquait la géophagie d'une façon assez singulière. Il est scientifiquement prouvé, disait-il, qu'à l'origine des choses, quand la terre devint possible pour l'habitat des êtres primordiaux, ce qui d'abord parut au fond des eaux, encore tièdes, ce furent des points gélatineux de matière amorphe. La sonde des savants ramène encore aujourd'hui des grandes profondeurs des océans. Puis, dans cette matière amorphe, il s'est formé un point avec des cils vibratoires, ce qui constitue un être vivant, qui était appelé le protoplasma. C'était la cellule. Et cette cellule, nous la retrouvons dans la plante comme dans l'animal. Nos muscles sont composés de cellules qui se touchent et qui sont enveloppées par des tissus. Ceci est clairement démontré par l'anatomie microscopique. Nous sommes des colonies d'animaux. Nous sommes constitués par des milliers de protoplasmas formant un tout. Le cerveau est l'enregistreur des sensations que ces protoplasmas subissent à l'unisson et qui retentissent dans tout l'être individuel constitué par eux. Or, le protoplasma primitif s'est d'abord doublé, puis triplé, et ainsi jusqu'à ce qu'il ait formé un ver, un lombric, par suite de successives transformations. Darwin a démontré comment le ver est devenu reptile, comment le reptile est devenu oiseau ou quadrupède, comment un quadrupède est devenu le primate ancêtre de l'homme et du singe. Or, pendant les 9 mois de gestation, l'homme futur, d'abord vert, passe par toutes les transformations qu'il a subies pendant des milliers de siècles pour que, de vert, il devienne l'homme. Est-il donc étonnant que le vert, ayant vécu de terre, l'homme qui a été un vert, en revienne parfois à manger de la terre? Théorie de Lucien de Brosil, médecin-major de l'infanterie de marine. Toujours est-il que la petite Aloïs se remit très vite.